bande de la citadelle aura entré complètement plein. De chez Borel, on va chanter ce beau refrain. Avant de fermer les paupières, viens ton bras, dernier verre. C'est la bande de la citadelle, on va entrer complètement plein. De chez Borel, on va chanter ce beau refrain. Avant de fermer les paupières, viens ton bras, dernier verre. C'est la bande de la citadelle, on va entrer complètement plein. De chez Zizine, chez Borel, on va chanter ce doux refrain. Avant de fermer les paupières, viens ton bras, dernier verre. Allez, ouais. On est connu, on est connu. Merci beaucoup. La samba, il va de ville en ville pour apprendre le pas. Oh, super vite. Que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard. Merci beaucoup. Désolé pour la voix cassée.